Wesh Edman, bien ou quoi gros? Bien tranquille toi frérot. Ça va, alhamdoulilah. Gros, ça chante quoi aujourd'hui? La réalité du bitume frère. Tous délaissés dans les cités, police partout, justice nulle part. Même en liberté on se sent enfermé. Normal que certains meurent. D'un côté y'a ces flics fachos qui t'empêchent d'avancer. Soit disant que mec du ghetto rime à Kaira, à la vie, à la mort. Mon père représente et représentera tous les frères au quart plat. Victime de ce système qui nous fume. Écoute, je te chante la réalité du bitume. Certains font du shit pendant que les schmitts font des allers-retours dans le quartier. Honnêtement, j'ai aucun respect pour ces enculés. Donc y'aura pas de solution tant que les élus ne se poseront pas les bonnes questions. Le problème c'est eux, mais pas nous. Donc j'faut que leur système est neutre. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés, la France nous a rejetés sans papier. On se débrouille avec les moyens de la rue. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés. Je me sers de ma tête, j'élimine les traites. Quand l'heure a sonné, c'est du but de charbon, faut charbonner. Gros, tu connais, Alpose plus massif qu'un char de guerrier. Dans la tête, on est tous cramés. Une soirée, on les passe en GAV. Nique les boîtes et les fêtes. Tu traites l'équipe, je te fais la fête. On est plus massif que dans une secte. La réalité du bitume, je la côtoie. On m'a donné la haine et pris l'amour. On m'a dit que la France est un pays de secours. J'ai découvert la trahison et la malchance. Quand la juge m'a dit, tu t'es fait balance par tes potes d'enfance. Malchance ou pas, je ne sais guère. J'ai vu qu'il y avait trop de traite parmi les frères. Déclaration de guerre à vie à la Serbie. Nique les PKK et ces putains de bâtards de Harki. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés, la France nous a rejetés sans papier. On se débrouille avec les moyens de la rue. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés. Je prends le bail quand même. En tête frangin, j'plane comme un martien. Y'a tout ce qu'il faut chez moi, de la cam aux armes. On est armé comme en Palestine. Pour les juifs, aucune estime. Pour les dans le fut, ça cherche le fight. C'est pour mes crânes dégradés, mes visages balafrés. D'espoir, mon équipe rôtisse dans le rap comme Lionel Messi sur un terrain. J'porte rouge et noir, fier de mes origines. Jamais je changerai mes coutumes. Alpo Zedman, c'est la réalité du bitume. En direct de la côte Sainte-Catherine. La vie reste la même dans toutes les cités. Le système veut nous la faire à l'envers. Normal que mes frères avancent avec la haine. Donc ne vous inquiétez pas si en bas des blocs ça dit. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés, la France nous a rejetés sans papier. On se débrouille avec les moyens de la rue. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés. La France nous a rejetés sans papier. On se débrouille avec les moyens de la rue. Écoute frérot, c'est la réalité du bitume. Chaque jour on la côtoie pendant que le système nous fume. On est tous des immigrés.